Avec 60 ans de retard, M. Ruche comprit ce que plus de 3 siècles plus tôt, Fermat avait compris. Un arc infiniment petit d'une courbe peut être assimilé au segment correspondant de la touchante. En plus, les mots étaient exquis. Il comprit ce que Roberval avait compris. La direction du mouvement d'un point décrivant une courbe est la touchante à la courbe en chaque position du point. Enfin, il comprit ceci. La forme d'une courbe ne dépend que de la direction de sa touchante. La connaissance d'une famille de droite permet la connaissance de la courbe entière. C'était les temps où les infiniment petits s'appelaient les évanouissantes et les tangentes des touchantes, les deux notions clés. Les premières, Newton les définit comme des quantités qui diminuent, non pas avant de s'évanouir, ni après qu'elles se sont évanouies, mais au moment même où elles s'évanouissent. On aurait dit qu'un poème sur l'hystérie. Et une touchante, c'est la limite d'une sécante lorsque les deux points M et M', où elles coupent la courbe, se rapprochent infiniment l'un de l'autre.